qui vont rentrer dans le cul du chameau. Puis vous riez parce qu'il y a un symbole là-dedans. Le passage est étroit. Ils disent. Il a sorti les mots de ma bouche. Moi, il y a une chose que j'aimerais vous dire, puis je peux pas vous le dire parce que si je vous le dis, vous allez l'astraliser. Mais je vais vous le dire d'une autre façon. Je vais vous le dire d'une autre façon.